balle au microphone. Touchez-vous bande de folles. Tu vas dans tes feuilles, je vais casser ton téléphone. Je fais petit pas de danse entre les problèmes. J'écris par vers de quatre comme si je faisais un poème. Ta petite nana, je lui fais un janky dama. Ta petite nana, je lui fais un janky dama. C'est la rue poteau, de cette la photo. Pour toi c'est couteau, 4-5 ça t'arrange chaud. DP Casamo, OK Pazzano. Tu kiffes d'Azabo, enlève tes sabots. Pa pa pa, j'hésiterai pas pa pa. Si tu fais un pa pa pa, pour rien je parle pa pa pa. J'rappe comme si j'avais des otages. J'sors de la cabine, bouche qui fume. J'te mens pas, j'me vois pas en cache. En cas de dinguerie, oui j'assume. Grosse dallerie, en mode dinguerie. Dans des mielleries, dans j'ai de la batterie. Là j'fais TB, là j'fais TB. Là j'fais TB, là j'fais TB. Grosse dallerie. La bombe. Chez elle c'est la planque. Ce que j'entends c'est le bon. Au fond avec Franck. Je suis là mon gars oui. Infiltré dans la nuit. Les dents combat d'Aoui. Si tu m'aimes faut que tu me suis. Est-ce qu'il t'assume tes potes pendant le mandat des pots? Aujourd'hui t'assumes tes votes. En sortant tu bannis les faux. Tu la connais ouais mon œil. Elle s'est passée quoi ton nez. T'inquiète pas bien on t'accueille. Par ici y'a plein d'ercueil. Y'a quoi dans ta tête? Y'a quoi dans ta tête? Y'a quoi dans ta tête? Y'a quoi dans ta tête? Tête. Grosse dallerie, en mode dinguerie. Dans des mielleries, dans j'ai de la batterie.